si l'amour est mort, t'inquiète pas, je m'occupe de sa veuve. SPK. Si l'amour est mort, t'inquiète pas, je m'occupe de sa veuve. Les silences m'accompagnent, je suis complice du complot, tu me condamnes. Langage de sourd du coq à l'âne. Pour un code banal, comment c'est comprendre si on n'a pas le même canal? Yen et chacal, son charogne mais ne grogne pas. De la même façon mon franc parler n'est pas de la même sorte. Étranger, je suis bilingue comme Bilal. Dès la tour de Babel, ils sortirent des courants linguistiques tribales. Les langues mortes ont muté avec l'histoire. C'est les vainqueurs qui décrivent et écrivent l'histoire. L'allié à leur cause, par profit pour être crédible. Je t'enterre du pouvoir, la plume du savoir au rendez-vous pour un rencard vocal. C'est le rendement d'un travail loquace. Ma rime n'est pas d'occasion. L'union fait la force depuis qu'elle forme des phrases. Un message et du bon sens change de fréquence. Ça vient du cœur avec intelligence. Avec intelligence. Trop de grandes gueules et beaucoup de sourds et aveugles. Si l'amour est mort, t'inquiète pas, je m'occupe de sa veuve. À l'heure où les aveux sont sans saveur, SPK. On ne donne pas notre avis sans savoir. Trop de grandes gueules et beaucoup de sourds et aveugles. Si l'amour est mort, t'inquiète pas, je m'occupe de sa veuve. SPK. Trop de grandes gueules et beaucoup de sourds et aveugles. Si l'amour est mort, t'inquiète pas, je m'occupe de sa veuve. À l'heure où les aveux sont sans saveur, SPK. On ne donne pas notre avis sans savoir. SPK. Y'a des soirs comme ça, où en soit tout est maussade. Soit moi dans ces moments, je n'ai qu'une envie, c'est vider mon sac. 10 ans saoul dans le poste, frisson sous le polo. Je rappe mes textes, préférant être seul contre pote. Pauvre rêveur, assis sur seuil, la grande porte. Je me la coule douce, coup de blues et coup de couze. La mélancolie m'emporte. Un œil en déclin, je tiens ce bic entre mes lèvres, le pouce et l'index. Comme si je tenais un mince savanard. Quelque chose me pousse à faire un texte, son mince, ça va mal. J'ai peur que le bien qui se fond dans mes songes fasse ta mal. Sur la feuille, les phrases amassent. Ouais, je suis la seule face à moi, perdu au milieu de nulle part. Je te rédigerai mille et une pages, mais vaut mieux que je n'use pas mes dernières forces juste pour décrire mes sentiments les plus pâles. Même si je sais que la plupart du temps c'est ainsi quand ma plume parle. Moi j'ai prédit l'avenir, mais j'étais pas sûr de l'atteindre. Et quand je pense au passé, ouais je me dis que c'est pas si lointain. C'est la merde partout, je l'ai encore entendu ce matin. Tous m'ont annoncé qu'ils faisaient partie des plus à plaindre. La vie c'est dur au nom de ceux qui meurent de la faim. Chaque jour est un début et je combats sans peur de la fin. Battez-moi à mort si j'en venais à perdre la foi. Je deviendrais pas haineux jusqu'à buter le père de ma femme. Trop de grandes gueules et beaucoup de sourds et aveugles. Si l'amour est mort, t'inquiète pas, je m'occupe de sa veuve. À l'heure où les aveux sont sans saveur, SPK. On ne donne pas notre avis sans savoir. Yeah.